La délégation de la République populaire démocratique de Corée est conduite par Kim Yong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, a regagné la patrie le 24 courant par vol au terme de sa participation au 17e sommet des chefs d'État de non-alignement tenu au Venezuela. Elle a été accueillie par Yang Hyung-sop, vice-président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, les officiels intéressés, le conseiller de l'ambassade chinoise Jiang Shengqiang et le conseiller de l'ambassade russe Andrei Mamayev.